J'ai grandi à l'époque des Dakini, des rappeurs techniques à trois couplets. Enfance parfumée au martini, arrière goût de picon ou de martinet. On a poussé dans le vacarme, vision floutée sous le harail. J'longeais des briques, maintenant j'fais voler des Air Max. J'ai vu ce qu'il CPE, j'ai vu ce qu'il a bac. J'recroise les mêmes têtes qu'elle a récré. Une douzaine de déceptions plus tard, quand les désillusions ne font même plus des cauchemars. Peau d'échappement débridé, pour couvrir le bruit du JT. Qu'essaie de courir après des gilets qui se ressemblent tous comme les pubs gilettes. Heureusement que les années 2000 ont inventé le divorce, le sourire de papa, hein. J'avais plus de chance de voir une licorne. Se sentir capable c'est un délire. Élevé par ma mère et Spider-Man, pour qui l'arrogance c'est un délit, pour qui la confiance c'est un délire, hey, ça sent la fumée. Je regarde le matin comme la dernière cigarette de mon paquet. Ça sent la fumée. Je ferme les yeux, le noir m'aide à penser. De toute façon on préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. Je connais le manque, ce que c'est de se priver. Les jours où y'a que du beurre dans le frigidaire. Je fais des morceaux, ça me fait sourire, ouais. Je fais des morceaux, ça me fait pas manger. Les dents de mes potos déchaussent à cause du shit. Ils appellent ça le charme de la street. De façon eux ils préfèrent la nuit. Le brouillard à 5h dans le centre-ville. Je connais des gens. Plaisir aux lèvres. Misère sur le pas de la porte, mes sourires honnêtes. Nous on est dans les temps, pour devenir ce qu'on doit être. On est monté au charbon fort pour faire ce qu'on doit faire. Ça sent la fumée. Je regarde le matin comme la dernière cigarette de mon paquet. Ça sent la fumée. Je ferme les yeux, le noir m'aide à penser. De toute façon on préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit. On préfère la nuit.